près de la montagne. C'est mon château d'Espagne. Quand mes amis sont là, on boit la tequila, on coupe la pastèque, et puis on fait la fête. Une pastèque quand il fait chaud, mambo que c'est bon. Une pastèque quand il fait beau, mambo que c'est beau. Une pastèque quand il fait chaud, mambo que c'est bon. Une pastèque quand il fait beau, mambo que c'est beau. C'est un endroit tranquille où il fait toujours beau. Tous les jours c'est dimanche, pas penser au boulot. Une pastèque quand il fait chaud, mambo que c'est bon. Une pastèque quand il fait beau, mambo que c'est beau. Une pastèque quand il fait chaud, mambo que c'est bon. Une pastèque quand il fait beau, mambo que c'est beau. C'est beau.